Je ne parle pas portugais. E su Brasilio. Tu sais, la chanson brésilienne. Garota de Panamá. Grande masse, belle et douce, la fille de Panamá se pousse sur le rivage et toute la plage fait ah. Elle marche comme une algue portée sur l'aile d'une vague jusqu'à Hola, qué cosa me lena, me cae de grasa y envenena, y veme qué pasa, no. Moi, un petit jazz, un petit country. On peut passer en son. Thank you. Oh, aïe. Thank you. Thank you.